Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour ce nouveau portrait d'assaut, découverte de l'association Le Jour d'Après. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Céline Troël. Bonjour. Bonjour. La mort, le deuil, et si on en parlait, c'est ainsi que nous vous présentez sur votre plaquette l'association Le Jour d'Après, une association créée en 2019. Alors comment vous pourriez définir cette association ? Alors déjà, cette association, on a souhaité la créer avec deux autres personnes suite à un constat qu'on a pu faire dans le cadre de nos métiers ou des événements de vie. C'est que finalement, le deuil, ça nous concerne tous. Mais finalement, derrière ce mot deuil, on ne sait pas trop quoi y mettre. On est tous des endeuillés, on le deviendra tous un jour. Mais finalement, on ne sait pas trop quoi mettre derrière ce mot deuil. Qu'est-ce qu'on traverse quand on est en deuil? Et surtout, quelles ressources? Est-ce qu'on peut être aidé? Comment? Par qui? Et on a fait le constat que les gens étaient souvent très démunis. Quand on perd un être cher, on est quand même un peu en état de choc. Quand il y a un lien, bien sûr, parce que le deuil, c'est quand même une question de lien. Donc on peut perdre quelqu'un de sa famille, mais ne pas avoir de lien, et du coup ne pas se sentir en deuil, hein, ça c'est tout à fait... Donc c'est vraiment une question de lien, et s'il y avait un lien fort, eh bien il y a un vrai traumatisme, enfin un vrai choc, et c'est une épreuve de vie qu'il faut traverser, et parfois... on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, mais on ne sait pas toujours vers qui aller. Des fois, l'entourage familial, amical, professionnel suffit, mais parfois non. Et puis quand c'est un deuil qui touche, qui arrive dans une famille, toute la famille est touchée. Donc tout le monde est en deuil. Donc parfois, ça peut être bon de trouver un lieu neutre, à trouver des ressources, et on peut expliquer ce qu'on est en train de traverser, on peut être rassuré sur ce qu'on est en train de vivre, parce que parfois, c'est un vrai bouleversement... émotionnel, des vraies questions de vie, des vraies questions de sens. On vient revisiter l'histoire, toute notre histoire avec cette personne qui n'est plus là. Et donc voilà, c'est comment être informé, rassuré sur ce qu'est ce processus de deuil et que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est normal, et trouver des ressources. Donc l'association, créée en 2019, elle a une adresse aujourd'hui à Nancy, c'est le 7 rue de Serres. Oui. Vous avez dit que c'était un constat de professionnels, de personnes qui ont vécu bien sûr un deuil, et on est tous concernés par ça, mais d'aller au-delà de créer une association, c'est un pas supplémentaire. Comment c'est venu ? Alors c'est vrai que moi personnellement je suis psychologue, j'ai travaillé longtemps en soins palliatifs, adultes, enfants, et dans ce cadre-là je me suis aussi formée à la question de l'accompagnement du deuil puisque ça fait partie des soins palliatifs, et donc moi j'ai rencontré des familles endeuillées qui étaient dans une grande détresse, qui étaient assez seuls et donc qui ne trouvaient pas de ressources. Il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas d'existence. Alors si, donc les deux autres personnes avec qui j'ai créé l'association, Aurélie et Patricia, elles avaient... traversé un deuil d'enfant, s'étaient rendu compte, avaient fait des constats aussi dans leur histoire, que ce soit comment traverser cette épreuve, et puis des constats aussi sur la question de comment on est accompagné par les pompes funèbres, la cérémonie, comment on peut penser ce rituel aussi, comment on est accompagné. Donc finalement, Patricia et moi, on s'est formés au deuil et on a fait partie d'autres associations. Puis à un moment donné, il y a eu vraiment une prise de conscience que c'était important d'avoir un lieu dans la ville. Comme c'est un sujet de vie, la mort, le deuil, c'est un sujet de vie, bien ça nous a paru important d'avoir vraiment un local, un lieu identifié dans la ville, dans la vie, dans le monde, dans la société, et que ce soit visible. Voilà, de sortir un peu de ce tabou. Parce que c'est vrai que la mort, le deuil, c'est un vrai tabou. Et finalement, d'avoir un lieu dans la ville avec une petite affichette disant ici, vous pouvez pousser la porte, trouver une écoute, un accompagnement, des ressources diverses. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, ce désir de créer un lieu d'accueil et de ressources. Et tout de suite, vous êtes rendu compte que ça répondait à une attente ? Et c'est incroyable comme les portes se sont ouvertes, même au niveau des partenaires, que ce soit les financeurs, les partenaires aussi orienteurs. Enfin, c'est sûr que il y a une prise de conscience. Alors peut-être que la période Covid aussi a révélé, il y a eu des prises de conscience. Mais en tout cas, il y a eu vraiment du répondant au niveau des pouvoirs publics qui se sont mobilisés et qui nous subventionnent, que ce soit la mairie de Nancy, la CAF, il y a des mutuelles, on a plusieurs financeurs qui nous soutiennent. Et puis après, il y a toute la dimension de formation, de sensibilisation du grand public et des professionnels. Donc c'est vrai qu'on va aussi, sur des petits temps, des demi-journées ou des journées, former des travailleurs sociaux. On intervient aussi à la fac de médecine auprès des internes en médecine générale et d'autres pour sensibiliser à cette question du processus de deuil. Vous proposez aux différents ateliers, il y a des rendez-vous réguliers, notamment les samedis. Avec les cafés thématiques. Avec les cafés, les cafés d'après. Les cafés d'après, voilà. Voilà. Mmh. Vous pouvez nous expliquer un peu ces rendez-vous-là ? Alors, il y a ces rendez-vous-là, mais il y en a d'autres. En fait, l'idée, c'était d'avoir c'est la diversité des propositions. Parce que finalement, le deuil, ça touche le psychisme, mais aussi le corps. Et c'est vrai que les gens, souvent, se disent, bah oui, quand on est en deuil, on est triste, on n'a pas le moral, on n'est pas bien. Donc, c'est plus l'aspect psychologique qui est mis en avant. Et on oublie un peu la question du corps, hein, parce que physiquement, le deuil, c'est une épreuve qui vient aussi impacter énormément le corps. Il y a un impact sur le sommeil, l'alimentation, sur la santé. C'est un stress, en fait, important, qui a des répercussions sur le système immunitaire. Et donc, le corps va réagir de diverses manières. On va tomber plus facilement malade, on est extrêmement fatigué, parce que le deuil, c'est un vrai travail, un travail de deuil, un travail psychologique. C'est à la fois un processus naturel qui se met en place, mais c'est aussi un vrai travail pour prendre soin de sa plaie. Hein. C'est Christophe Auré, un psychiatre qu'on aime bien, qui a écrit « Vivre le deuil au jour le jour », et c'est vraiment un livre qui aide beaucoup les endeuillés. Et lui, il parle de plaie. Hein. Le deuil, c'est une plaie qui est ouverte, qui fait mal au début, et puis un processus naturel de cicatrisation va se faire. Mais le travail de deuil, qui est un travail inconscient, qui va se faire naturellement, eh bien, c'est tout le baume qu'on va mettre sur cette plaie, là, comment on va la désinfecter, pour qu'elle soit propre, et toute l'attention qu'on va y porter pour qu'elle se cicatrise. Donc finalement, l'association, l'idée, c'était à la fois de proposer des temps d'écoute, des temps d'accompagnement, que ce soit individuel, en couple, en famille, accompagner des enfants aussi, hein, des ados, oui, des jeunes, effectivement. Parce que ça touche toute la population. Hein. Nous, on le voit bien, l'association, il y a énormément de jeunes. Et de proposer aussi des temps autour du corps. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des sophrologues, des relaxologues qui proposent des petits ateliers. On a une art-thérapeute aussi qui propose des ateliers, de fabriquer un carnet du deuil, pour pouvoir écrire aussi, parce que parfois, les personnes, la parole, c'est plus compliqué, donc on va passer plutôt par l'écrit, par la matière, on va créer des choses, on va relire cette histoire, on va penser à la personne qui n'est plus là, à travers l'élaboration de ce carnet du souvenir. Et donc, dans les propositions aussi, on prête des livres, on a plus de 300 livres. Alors livres, DVD, puisqu'on a des documentaires aussi. Il y a des livres pour les enfants, pour les ados, des livres pour les adultes, des livres sur le processus de deuil, on a des romans, on a des essais philosophiques, sociologiques sur la question du deuil, sur la question du funéraire aussi. Donc voilà, les gens peuvent emprunter des livres. Et puis il y a ces cafés thématiques qui sont des rencontres régulières, qui sont un peu à la carte. C'est des cafés qui se passent souvent le samedi matin, de 10h à 11h30 midi. Il y a toujours deux animatrices, dont une est un petit peu référente de la thématique, qui va donner quelques informations sur la thématique, par exemple l'impact du deuil sur le corps, voilà, si on reprend l'idée du corps, et ben on va plutôt demander à une sophrologue de venir expliquer c'est quoi la sophrologie, c'est quoi la relaxation, quel est l'impact du deuil sur le corps, et comment, en effet, des outils comme la sophrologie ou la relaxation peuvent, ou la pleine conscience, peuvent venir aider dans les problèmes de sommeil, dans la confiance, la perte de confiance en soi, dans une énergie un petit peu à retrouver. Et puis ensuite, y a un temps de parole entre les participants, c'est 10-12 participants maximum. Et chacun partage, s'il le souhaite, sur ce qui a été dit, si ça vient le rejoindre dans son vécu, qu'est-ce que ça vient poser comme question. Et les gens sont vraiment libres, c'est-à-dire c'est pas comme un groupe de parole au sens propre, c'est vraiment un temps à la carte. Il y a plusieurs thématiques, on a à peu près 20 de propositions par an, avec des thématiques variées. Et les gens peuvent juste venir écouter. Voilà, ils ont déjà une information, ils entendent d'autres endeuillés comme eux qui vont partager. Et rien que d'écouter, ça peut aider, parce qu'on se sent déjà moins seul, parce que les témoignages nous rejoignent. Et puis on va avancer avec nos besoins. C'est vrai que les besoins ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, c'est un cheminement qui est très personnel. Il y a des gens qui vont avoir besoin tout de suite de raconter l'histoire, les circonstances du décès, de parler du défunt, de ce qu'ils traversent. Et puis d'autres vont plutôt avoir besoin de prendre un livre ou de faire un petit atelier de sophrologie. Les besoins évoluent au cours du temps. Donc voilà, l'idée de l'association, c'est de multiplier un petit peu les propositions, les diversifier pour que les personnes puissent se saisir de ce qui va pouvoir les aider à un moment donné au cours de leur cheminement de deuil. Vous adaptez à chacun. Et chaque parcours est unique et très personnel, très intime. Si des personnes qui nous écoutent découvrent votre association, le premier contact, ça se passe comment ? On vient, on pousse la porte du 7 rue de Serres, on passe un coup de fil, ou alors on est redirigé peut-être par des personnes qui vous connaissent ? C'est un peu tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a un numéro de téléphone, on a une adresse mail, on a un site, donc les gens peuvent nous appeler. On a des permanences le mardi toute la journée, le vendredi après-midi. Donc ça, c'est des permanences physiques. Le local est ouvert, les gens peuvent venir. Alors, ils peuvent venir spontanément, mais c'est vrai que le mieux, c'est de passer un petit coup de fil ou envoyer un petit mail en disant, ben voilà, j'aimerais déjà avoir des informations sur votre association. Après, est-ce que je peux passer? Et puis là, on fixe un petit temps. Comme ça, on est sûr d'être vraiment disponible pour la personne. Oui. Voilà, mais on peut passer à l'improviste pour justement prendre un livre ou ramener un livre. Après, il y a le bouche à oreille, il y a les réseaux sociaux. Les gens peuvent être informés aussi par leur thérapeute ou par leur médecin traitant, leur psychologue, l'hôpital nous oriente aussi, des services sociaux aussi. Puis bon, ben, les partenaires qui orientent, hein, la CAF par exemple, maintenant ils savent qu'on existe. L'idée, c'est que les gens sachent qu'il y a des associations sur Nancy et, puis, voilà. Et puissent s'orienter. Nous, on essaie aussi de répertorier tout ce qui existe en termes de ressources sur le département, voire même plus large, pour orienter aussi les personnes. Parce que il y a des associations qui vont avoir des actions particulières que nous, on ne va pas forcément proposer. Et du coup, on oriente. Ou si on sent dans l'entretien que la personne a vraiment besoin peut-être d'un suivi psychologique plus régulier ou d'orienter vers la cellule d'urgence médico-psychologique de l'hôpital, la CUMP, parce que là, il y a vraiment peut-être des risques suicidaires. Enfin, voilà, on a des partenaires autour de nous, des partenaires vers qui on oriente. On connaît une psychologue voilà, qui est vraiment formée au psychotrauma. Donc, on va orienter si besoin. Voilà. Donc là, on voit pour l'accueil du public, des personnes qui sont touchées par le deuil, mais vous avez aussi évoqué la formation, d'aller vers les professionnels pour les sensibiliser au deuil. Ça, oui. C'est important aussi. Ah ben oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, la question du deuil et de la mort, c'est vraiment tabou. Et on voit bien que les professionnels sont assez démunis par rapport à cette question du deuil. Vous faites des études de médecine, d'infirmière, d'éducateur ou autre. Enfin, vous n'êtes pas forcément formé à cette question du processus de deuil. Ou alors, ça va être évoqué rapidement et c'est bien d'avoir des petites piqûres de rappel. Donc nous, on fait avec forcément l'expérience des gens qu'on accompagne, on amène aussi de la matière. Voilà, on dit, voilà un petit peu les témoignages qu'on peut avoir. Voilà ce que les gens peuvent nous dire. La fac de médecine nous a demandé d'intervenir sur une demi-journée. C'est vraiment de la sensibilisation pour les médecins de médecine générale. On forme aussi des travailleurs sociaux de la CAF, des banquiers aussi qui sont dans les services succession. Voilà, d'avoir une petite sensibilisation puisqu'ils ont, ils ont au téléphone des personnes en deuil et des héritiers. Et parfois, y a des héritiers qui vont bien, puis il y en a d'autres qui vont moins bien. Et voilà, donc l'idée, c'est de leur permettre de savoir un petit peu comment on peut gérer un peu un entretien téléphonique à quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui pleure, puis comment recentrer sur ce qui les intéresse quand même, puisqu'il faut quand même gérer tout ce qui est administratif, mais pouvoir humaniser un petit peu tout ce qui est administratif aussi. Donc on le voit, l'association, le jour d'après, depuis 2019, a bien grandi et répond vraiment à une demande. Vous fonctionnez comment aujourd'hui? Vous avez des salariés? Vous recherchez des bénévoles? Plus on a de bénévoles et mieux c'est, parce que finalement, le besoin, il est vraiment là. Mais quel est le rôle des bénévoles alors? Alors, les bénévoles donc, sont tous formés. Formés au deuil. Donc, quelqu'un qui a envie d'être bénévole. Alors, il y a des gens qui arrivent, qui ont déjà une formation. Hein. C'est vrai que moi, étant psychologue, j'ai aussi mon petit réseau. Donc, c'est des gens qui travaillent à l'hôpital ou en soins palliatifs et qui ont déjà une formation. Donc, là, c'est différent. Mais des bénévoles qui ont envie de donner de leur temps. Il y a tout un processus de formation. Ensuite, ça dépend de ce que les bénévoles souhaitent faire, parce qu'il y a des bénévoles qui souhaitent accompagner des endeuillés, mais d'autres qui souhaitent donner un coup de main à l'association. Nous, on a besoin de gens, c'est vrai que la com, dans les événements publics aussi, puisqu'on essaie, comme je disais, de sensibiliser le grand public, on va aussi proposer des rituels, par exemple pour la journée nationale de sensibilisation au deuil périnatal, donc qui est au mois d'octobre. L'association propose un lâcher de bulle. Alors avant, c'était le lâcher de ballon, c'était place Maginot, ça a été aussi place Charles III à une époque. Bon là, écologiquement parlant, on ne peut plus lâcher des ballons, donc on a essayé de trouver une autre symbolique. Donc il y a un lâcher de bulles et les parents viennent un dimanche au mois d'octobre pour poser un rituel autour des petits bébés qui sont décédés trop tôt. Et on a chaque année autour de 300 personnes qui assistent à ce lâcher de bulles au parc Sainte-Marie à Nancy. Donc autour du 15 octobre, au niveau de la sensibilisation grand public, on a aussi organisé une conférence avec une autre association de Nancy, une conférence sur le deuil à la mairie de Nancy. Et donc il y a des bénévoles qui peuvent tout à fait s'investir dans l'accueil lors de ces grands événements, accueillir les familles, apporter du matériel, porter des tables, faire des gâteaux. On a besoin aussi pour les livres, hein, puisqu'on a plus de 300 livres, comme je vous l'ai oui. dit. Donc, il faut recouvrir les livres, il faut les classer. Quand il y a des prêts, parfois, forcément, quand on est en deuil, la concentration sont fragilisées. Donc, ils oublient parfois de rendre les livres. Donc, c'est voilà, quelqu'un qui puisse les rappeler en disant ben, « Est-ce que vous avez pensé à ramener le livre ?» Puis, voilà, classer. On a besoin de bénévoles pour diverses actions. Et ceux qui souhaitent vraiment... ou celles qui souhaitent vraiment accompagner les personnes en deuil, là il y a tout un processus de formation, d'accompagnement, et puis voilà, ils font de l'écoute lors des permanences du mardi, du vendredi après-midi, et puis on est deux à gérer le téléphone, voilà, Patricia et moi. D'accord. Tout ce qui est écoute téléphonique. On propose des visios aussi, parce que les gens viennent en présentiel la plupart du temps, mais parfois il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour X raisons. Voilà, parce qu'on n'a pas de garde pour les enfants, parce qu'on a un problème de santé, parce qu'on habite loin, parce qu'on n'a pas de moyens de locomotion, enfin. Et de proposer des visios, ça peut être intéressant. Ça, c'est la période Covid hein, qui nous a mis sur ce chemin-là, de développer les visios. Donc, on peut aussi animer des cafés thématiques en visio, faire des entretiens aussi en visio. Le jour d'après, donc l'adresse c'est le 7 rue de Serres à Nancy. On vous trouve bien sûr facilement sur internet, les réseaux sociaux, pour retrouver aussi toutes les dates, parce que il y a plusieurs rendez-vous. Vous avez même une intervention à la Maison des Aidants début juillet. Oui, on a des partenariats, notamment avec la Maison des Aidants, où on propose un café thématique justement sur la question du deuil. Je crois que c'est le 2 juillet à 17h à la Maison des Aidants. Le prochain café thématique, ben c'est samedi prochain, le 8 juin, donc sur le thème du suicide, hein, comment continuer à vivre après le suicide d'un proche. Les gens peuvent appeler l'association ou envoyer un mail s'ils souhaitent participer à ce café thématique. Le samedi d'après, c'est sur la question des ressources, enfin, le processus de deuil, comment traverser... cette épreuve, donc là ça va être plus en effet une explication rapide sur les étapes du deuil et puis comment on peut se faire aider quand on est en deuil. Qu'on n'hésite pas déjà à vous contacter pour en savoir plus. Oui, pour en savoir plus, pour apprendre à nous connaître, faire connaissance déjà et puis voir si ça peut répondre à voilà. Puis on peut vous soutenir, vous avez une page Eloasso aussi, on peut soutenir l'association. C'est sûr que nous on existe grâce aux dons, grâce aux adhésions. Il y a des gens qui adhèrent et qui n'ont pas besoin de notre soutien, mais qui adhèrent pour soutenir l'association. Puis c'est vrai qu'au niveau, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des pouvoirs publics, la première question souvent qu'on nous demande, c'est vous avez combien d'adhérents ? C'est-à-dire que le nombre d'adhérents aussi va témoigner d'un besoin d'une réalité. Voilà, donc plus on a d'adhérents, plus les gens, les pouvoirs publics se disent « Ah oui, quand même, vous avez, oui, il faut vous soutenir, quoi. » Donc il y a les dons, bien sûr, hein, les dons c'est aussi une grande partie de ce qui nous permet de fonctionner, parce qu'on on loue un local, donc il y a un loyer, il faut payer l'électricité, le gaz, toutes les charges. Et puis c'est vrai que ça c'est important de le dire, c'est qu'on a vraiment souhaité que l'argent ne soit pas un obstacle, donc toutes les propositions sont gratuites. Après, par exemple, on propose aussi des ateliers pour les enfants. Bon, on peut mettre un petit panier si les parents ont envie de participer aux frais du goûter ou du matériel, parce qu'on utilise la peinture, des masques, etc. Donc, s'ils ont envie de participer aux frais divers. Ou alors, certains ateliers un peu spécifiques. Là, on a un atelier avec une sophrologue sur plusieurs séances, sur 5 séances. Donc, c'est tout un parcours. Et là, on demande une petite participation, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est 10 euros la séance ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est assez exceptionnel. Sinon, c'est tout est gratuit. Le prêt de livres aussi. On demande juste une adhésion qui s'élève à 15 euros l'année. 15 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants. Et voilà, et les gens sont libres aussi, bien sûr, si c'est trop pour eux ou s'ils veulent donner plus, c'est souple. Le jour d'après, merci beaucoup Céline Troël de cette présentation. Donc dans Portrait d'Asso, je redonne l'adresse, c'est le 7 rue de Serres à Nancy. Le numéro de téléphone, on peut le donner aussi. Oui, oui, bien sûr, au contraire. 06 24 70 67 80. Merci encore pour cette présentation. Mais merci à vous, hein, vous contribuez à rendre ce sujet public et moins tabou. C'était Portrait d'Asso sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.